Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 145e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons David Gilmour, Fatal Fusion de Norvège, Ofklarung d'Italie, Violetta di Utono du Brésil, Steve Hughes d'Angleterre, Six Thing Thing des États-Unis, Kaipa da Capo de Suède, Millennium de Pologne, Chawata de France. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré à un survol de la carrière du guitariste Steve Hillage, notamment avec sa participation avec Arzakel, Khan et Gong, en plus d'un extrait d'un album solo. Alors, on débute ça avec David Gilmour, guitariste de Pink Floyd, qui en 1978 faisait paraître son premier album solo, un album éponyme. On va entendre une pièce de cet album-là, de David Gilmour, qui a fait 5 albums quand même depuis 1978. Alors, on ne peut pas dire qu'il a abusé de sa notoriété. On va suivre ça avec Fatal Fusion, qui est un groupe de Norvège qui opère depuis 2008. Et on leur compte 3 albums à leur actif, dont le tout récent Total Absence, dont on va entendre un extrait. Et on fait un petit retour dans le passé avec Ofklarung, groupe italien qui a fait paraître un seul album en 1995. Et l'album s'intitule De la Tempesta, l'Oscuro Placere. Alors on débute ça avec David Gilmour. Thank you. just build a new tomorrow. If we fade, only darkness will remain. Thank you. Alors, avant de débuter le deuxième bloc, nous allons faire un petit retour en arrière. Et ce qu'on a entendu avant la pause, c'était la formation italienne Off Claron, qui ont fait un seul album en 1995. Et l'album s'intitule La Tempesta L'Oscuro Piscare ou Piacare. Et on a entendu la pièce Eclipse. Ça, ce groupe-là, ça m'a été suggéré par Paul Baudouin et Denis Guillaume, que je salue. Ils font souvent des suggestions à l'émission et c'est très apprécié. Auparavant, nous avions eu Fatal Fusion de Norvège avec la pièce Endless Ocean Blue et ses extraits de Total Absence, leur troisième et dernier album. Et en début de bloc, nous avions David Gilmour avec Raise My Rent. Et ça, c'est extrait de l'album éponyme paru en 1978. Alors, ce deuxième bloc va débuter avec une formation du Brésil qui existe depuis 30 ans, Violeta di Outono. On va entendre une pièce du nom de Solsticio. C'est extrait de l'album Espectro, l'avant-dernier, qui est paru en 2012. Ça sera suivi de Steve Hughes, un ancien membre de Big Big Train, qui en est rendu à son troisième album studio, qui est paru il y a quelques semaines. L'album s'intitule « Once We Were, Part 2 ». Alors, c'est la suite et fin de cet opus. Et on va entendre la pièce « Clouds ». Et on finira avec « Six Fing Thing », qui est un groupe assez méconnu des États-Unis. Et on va entendre « The Basic Nobility of a Small Boy ». Et c'est extrait de « Self-Portrait of as a Venerable Shrub ». Ce groupe-là fait paraître un seul album en 2003. Alors, on débute ça avec une seconde. Violeta di Otono du Brésil. Thank you. Bye. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et on va faire un petit survol de ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Six Thing Thing, un groupe américain qui ont produit un seul album en 2002. L'album s'intitule Self-Portrait as a Venerable Shrub et la pièce qu'on a entendue, c'est The Basic Nobility of a Small Boy. Ça a été précédé de Steve Hughes avec un extrait de l'album Once We Were Part 2. Et la pièce s'intitulait Clouds. Et en début de bloc, nous avions la formation brésilienne Violeta de Outono avec la pièce Sostilcio et ses extraits de Expectro qui est paru en 2012. Alors on débute le troisième bloc avec une formation de Suède, Kaipa da Capo, avec Ron Stolt. C'est leur premier album sous cette appellation. Et l'album s'intitule Das Kapen Monoton et on va entendre la pièce Narjag var en Pock. Je rappelle que l'album est chanté en suédois. Et ça sera suivi de Millennium, un groupe polonais dont on connaît 10 albums depuis 1998. Et le dernier album, c'est In Search of the Perfect Melody. On va entendre la pièce Girl from a Glass Sphere. Et en fin de bloc, nous aurons une formation française qui ont fait deux albums dans les années 90. Il s'agit de Chawata. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Transylvaner. Et c'est extrait de Sadovski Mazovic. Alors, on débute ça avec Kaipa da Capo. Jag var din pojk med blicken högt där bergen stupar med sin kala vägg en grå horisont där himlar rämnar och berget hukar av regnets ägg när vargen river tysta bleka får då vill du skrika allt du förmår när lögnen sliter och regnet driver hårt och vargen samlas runt vår gård när jag var en pojk var världen klar vi var ett folk som vågade tro göm bort all ondska all list och svek när natten kommer och barnet vilar tryggt på änglars vingar med lätta slag men lögnen sliter och regnet driver hårt världen mot onda dagar thank you.

song is like a prayer. Girl from a glass sphere moving in shadows. She knows there's no one there. Girl from a glass sphere in her illusion. She sees a distant light. Girl from a glass sphere, no past or future. It's only you that counts. Have you seen her blonde hair? Have you seen her blue eyes? She is moving softly. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au dernier bloc de l'émission. C'est un bloc qui sera consacré à la carrière du guitariste Steve Hillage. Pourquoi on touche ça ce soir? Eh bien, c'est parce que l'artiste vient de faire paraître un coffret qui couvre toute sa carrière. Et le coffret contient 22 CD. Et les 22 CD, on retrouve là-dessus Arzachel, en fait trois périodes, la période d'Arzachel, la période de Khan et sa période solo. Malheureusement, les 22 CD ne touchent pas à Gong, mais aujourd'hui, dans le pot-pourri que je vous propose, je vais présenter deux pièces aussi de Steve Hillage lorsqu'il jouait avec Gong. Alors, Arzachel, ben, c'est le groupe qui a été fondé au tout début, lorsqu'il était adolescent, avec Dave Stewart, Mont Campbell et puis Clive Brooks, qui sont devenus plus tard Egg. Ils n'ont pas indiqué, ils étaient jeunes adolescents, et ils ont parti le groupe Uriel, et Steve Hillage a décidé de consacrer du temps à ses études, et pendant ce temps-là, ben, les trois autres personnes ont fondé Egg. Et à la sortie de l'université, ben, Steve Hillage a été demandé pour participer à un projet, le projet Arzachel. C'est un projet qui était par les musiciens, qui était indiqué par les musiciens de Egg, mais sur des pseudonymes à cause de difficultés contractuelles avec leur maison de disques. Alors Steve Hillage s'est joint au groupe et ils ont sorti l'album Arzachel. Et après Arzachel, qui fut l'espace d'un seul album, ben, les membres de Egg ont continué pour devenir un peu plus tard Hatfield and the North et jusqu'à la toute fin vers National Health. Mais Steve Hillage, lui, avec aussi quelques membres du groupe, dont Dave Stewart en parallèle, a indiqué Khan en 1972, l'album Khan, Space Shanty. Et à la fin de cet album-là aussi, qui a eu un seul disque, à cette période d'un disque, lui est devenu Gong. Et après Gong, ben, il a fait une carrière solo jusqu'à tout récemment où il faisait carrière avec System 7. Alors, pour couvrir la majeure partie des années 70, on va entendre une pièce d'Arzachel, Garden of Early Delights. Ensuite, ce sera Khan avec Stranded. Et on aura Steve Hillage avec une pièce de Four to Next qui est parue en 1973 en sa carrière solo. Et lorsqu'il a joint Gong, ben, on aura une pièce de Angel's Egg, Castle in the Clouds, et ça finira avec The Isles of Everywhere qui nous provient de l'album You. Alors voici Steve Hillage. Thank you.

Thank you. c'était Gong. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Alors, c'était Gong avec la pièce The Isles of Everywhere. Ça, c'est paru en 1974 et c'est extrait de l'album You. Ça a été précédé par un court extrait d'un album qui s'appelle Angel's Egg, paru en 1973. On a entendu The Castle in the Clouds. Et auparavant, nous avions Steve Hillage en carrière solo avec un extrait de Four to Next, paru en 1973. Et la pièce s'intitulait Knights Templar, précédé de Khan, Space Shanty, l'album Space Shanty par Khan et la pièce Stranded. Et au début, nous avions Arzakel, le groupe avec qui Steve Hillage a débuté en 1969, et la pièce Garden of Earthly Delights. Et ça met fin à l'émission. Et ceux qui veulent avoir la discographie ou les détails ou toutes les informations concernant les pièces qui ont été présentées dans l'émission d'aujourd'hui, bien, vous pouvez aller à la page Facebook de l'émission Rock de Neuron et vous aurez, en cliquant sur l'image de l'émission, accès à une rediffusion de l'émission à partir de SoundCloud, et vous pouvez aussi, à partir de la page Facebook de l'émission, avoir accès à toutes les émissions qui ont été archivées depuis 2004. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.